Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Serge en votre compagnie pour les 60 minutes à venir sur l'antenne de Fadjet. J'espère que vous êtes en pleine forme, moi c'est le cas. Et un programme très très très chargé, très riche de très belles chansons pour ce hit des coups de cœur. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois, c'est également le premier jour du mois, 1er décembre 2023. Et on commence tout de suite par un titre qui est complètement hors concours. Quoi vous dire, 5 ans après la fin de sa dernière tournée qui s'appelait Dernière Danse, le chanteur populaire va remonter sur scène pour une nouvelle série de concerts intitulée Je me souviens d'un adieu. Ce titre, c'est un écho à la chanson du même nom présente sur le live Olympia 95. L'annonce de sa nouvelle tournée a fait l'effet d'une bombe puisque ses fans étaient rassemblés en masse dans les points de vente à l'ouverture de la billetterie le 14 novembre. C'est tout frais, tout chaud, tout récent. Plus de 100 000 billets ont été vendus. Devant cet énorme succès, l'artiste a d'ailleurs rajouté une deuxième date à Paris à la Défense Arena le 17 mars 2024. Alors, ce titre inédit « Souris-moi », il dévoile en douceur une composition de Pierre Billon et Jean Morat sur un texte poignant de Claude Lemel. De qui s'agit-il? Vous l'avez deviné, Michel Sardou. Laisse aller tes larmes, souris-moi. L'eau salée des larmes, tu verras. Ça nous fait du bien, ça nous dit combien notre cœur nous tient. Toi qui doutes qu'il reste un fou qui t'aime, qui te voûte sous le poids des problèmes, qui écoute que des ombres à voix lasse, qui regarde la route et n'y voit qu'une impasse. Laisse aller tes larmes, souris-moi. L'eau salée, ça nous fait du bien, ça nous dit combien notre cœur nous tient. À ta montre, il n'est plus l'heure du tout. Les rencontres que tu fais, tu t'en fous. Si tu rêves d'avoir des jours meilleurs, va falloir que tu crèves ce nuage intérieur. Laisse aller tes larmes, souris-moi. L'eau salée des larmes, tu verras. Ça nous fait du bien, ça nous dit combien notre cœur nous tient. Fais pleurer les murs et puis souris-moi. Souris-moi. Nouveauté. Nouveauté. Souris-moi. C'était cadeau, c'est spécialement pour vous, auditeurs de Fadjet, ce nouveau titre de Michel Sardou. J'espère que ça vous a fait plaisir. C'est complètement hors classement de notre hit coup de cœur. Aujourd'hui, alors en résumé, dans ce hit coup de cœur, il s'est passé pas mal de choses. Si je regarde mes petites fiches, qu'est-ce que je peux comptabiliser? Il y a 6 entrées, 4 chutes, 4 progressions et un titre qui reste à la même place. On va pas perdre de temps. Le proverbe dit « les derniers seront les premiers ». Lui, il avait été premier. Ce coup-ci, il est dernier, mais que de notre classement qui est très sympathique. C'est Sylvane Areg. Tourne, tourne, on l'écoute tout de suite. «

Les sentiers sont déserts, on n'entend aucun bruit, tout est couleur d'hiver. Même l'âpre parfum ne sent plus aussi fort, car il manque quelqu'un, le vieux bandit est mort. Le dernier des bandits a quitté le maquis. Il avait pour l'honneur la vie à fleur de cœur. Seul il a vécu pendant plus de 20 ans sur les sentiers perdus, son chien marchant devant. Il revenait chez lui pour se ravitailler au milieu de la nuit quand tous les gens dormaient. Le dernier des bandits. Il avait pour l'honneur la vie à fleur de cœur. Avait une autre force dans le sang, dans le cœur de tous les anciens Corses. Le dernier des bandits a quitté le maquis. Il avait pour l'honneur la vie à fleur de cœur. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. L'an dernier, Lazara signait une entrée remarquée sur la scène francophone avec « Tu t'en iras ». Chanson pop chargée de faire les présentations avec le personnage chic et glamour que la chanteuse originaire de Québec, de son vrai nom Fatima, s'est façonnée pour son projet artistique. Elle dévoile « Sans moi », son nouveau titre, dont le thème colle avec l'intégralité de son univers, c'est-à-dire l'amour, la déception et l'apprentissage. Hit parade numéro 10. Les gens m'ont parlé tant de fois, des jours où je tomberai dans tes bras, mais tu n'as jamais eu le chou, et je n'ai jamais connu l'amour. Les rumeurs courent, mais je marche seule. Les gens peuvent parler tant qu'ils veulent, mais moi je veux faire mon chemin sans toi. Ce sera sans moi, cette fois ce sera sans moi. Maybe on se reverra une autre fois. Ah, ah. Je prends les fleurs, les compliments, je donne ni temps ni confiance. Si on me cherche, je suis tranquillement. Yeah. coup de cœur. Coup de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Coup de cœur. Pas une grosse gamelle, elle perd 4 places, c'est Jennifer, sauf qui aime. Elle occupe la 9e place cette semaine. Lui, c'est tout l'inverse, les vases communicants. Il a gagné 4 places, c'est Back to Africa avec Yannick Noah. J'ai parcouru tant de chemins, de villes sans lendemain, de pays tristes à pleurer, explorer tant de fausses pistes, de provinces conformistes, de continents prêts à porter. Et tout ce temps passé à te rechercher sur les terres reculées du monde entier. Dans ces villes de mystère, voguer sur des mers pas très claires, je t'ai cherché même au-delà de mon futur, de mes pas. Ce que je cherchais, je ne le savais pas. Combien de temps perdu, de fuites éperdues pour arriver là, en bas de ma rue. Allez, quelques mots sur celui qui occupe la 7e place de ce classement. Son style très personnel se situe entre folk et chansons françaises rock. Sa voix forte et profonde est au service de textes souvent noirs et désabusés, mais empreints d'espoir déchirant. Guillaume Grand, on l'aime bien ici. Il est né en 83 à Bergerac. Il a marqué le public avec son tube « Toi et moi » qui a cumulé plus de 44 millions de vues sur YouTube. Il s'agit aujourd'hui d'un extrait de son 3e opus « Je veux entendre le vent ». « Je veux entendre le vent ». À l'envers, moi dedans, je fais des crampes. Dans le ventre, je veux rougir. Y'a mon gosse qui me surveille dans son bleu. Je vole l'amour, je bois ses nuits. Je lui crie tout vol dehors. Lève la tête, lâche ta mère, il sourit. veux entendre le vent et les sirènes qui chantent. À milieu, sous ma terre, retourner en enfance. Je veux entendre le vent et les sirènes qui chantent. À milieu, sous ma terre, déchirer mon enfance. Hit parade numéro 7. J'en veux pas de ces bons forts, je veux du vent, je veux de la mer et partir. Que des marins d'autres vies amochaient le pire des navires. Des secousses du fracas, mes corps chauds en sueur sous mes draps. Je prends mes voiles bousillées, toutes trouées de ma vie avec toi. Je veux entendre le vent et les sirènes qui chantent. À milieu, sous la terre retournée en enfance. Je veux entendre le vent et les sirènes qui chantent. À milieu, sous ma terre déchirée, mon enfance. Je te le jure qu'elle me l'a dit, je te promets, écoute, elle le chante. Elle qui brille pour guider tous les soirs les matelots vers leurs femmes. T'en veux plus de la vie, t'attends quoi pour ton verre grimpe et danse. Prends tes rêves oubliés, lève la tête, suis la lune et puis danse. Allez viens, prends tes rêves, tous tes poèmes d'enfant. Allez viens, crie, crie que les sirènes t'entendent. Je veux entendre le vent et les sirènes qui chantent. À milieu, sous ma terre, retourner en enfance. Je veux entendre le vent et les sirènes qui chantent. À milieu, sous ma terre, déchirer mon enfance. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Guillaume Grand, j'ai toujours peur que sa voix casse en pleine chanson. Alors les suivants, numéro 6, ils perdent deux places. Ils étaient deux au départ, il y a quelques dizaines d'années, Dalida, Alain Delon. On a rajouté la patte de Douéma, une reprise de Parole et Parole. Numéro 6. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Il parle numéro

mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois. Allez, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre hit des coups de cœur. Il a perdu 7 places, il occupe la 15e place. Sylvain Aregg, Tourne, tourne. En 14e position, Della Lucia et Garou, peut-être qu'un jour. Création entre Corse et continent. En 13e position, une entrée également, celle de Marc Fichel, l'amour de vacances. L'amour d'une chance, c'était un mois d'été, léger et parfumé, c'était la tendresse d'un soir, la plus belle histoire, la douceur d'une nuit. Jérémy Frérot, il occupe la 12e place, J'ai la mer. Au-dessus de mon âme, j'ai la mer. Au-dessus de mes pensées, j'ai la mer. Antoine Ciozzi, Julien Doré, une entrée en 11e position, le dernier des bandits. Vous la connaissez, Lazara, elle figure dans notre classement, peut-être dans le tiercé avec Slimane. Là, elle est toute seule, 10e position, sans moi. Maybe on se reverra une autre fois. Jennifer, en 9e place, elle en perd 4, sauf qui aime. Le chef de village, Yannick Noah, occupe la 8e place, Back to Africa. L'autre partie de moi, ton soleil m'a manqué, ton soleil m'a manqué, Back to Africa, l'autre moitié. L'entrée à la plus haute de nos places, le 7e. Guillaume Grand, je veux entendre le vent. À milieu, sous ma terre, retournée en enfance. Les 3D, Dalida, Delon, Douméa, ils sont en 6e position. Parole et parole. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. YZ, les deux dernières lettres de l'alphabet. Carzaz, les animaux fragiles. 5e. Les animaux fragiles. Cette planète n'est qu'une île, et même perdue dans les étoiles. La plus forte progression cette semaine, Patrick Bruel, en 4e position, encore une fois. On ne dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. Alors le tiercé de tête, de qui s'agit-il? Vous voudriez le savoir? Eh ben, c'est dans les minutes qui viennent. La 3e place, elle est occupée par celle qui vient de sortir un album exceptionnel cette semaine. Mylène Farmer, on en reparlera dans Coup de cœur, je vous le promets. Elle est classée 3e du podium avec À tout jamais Mylène Farmer. Poussière d'anthrax qui s'insinue Fadjet sur internet, www.fadjet.net. Si vous voulez réécouter toutes ces chansons, toutes ces nouveautés, en fait, n'hésitez pas sur ce serveur www.fadjet. Le podcast est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste après la diffusion à l'antenne de notre émission. En seconde place, on l'a déjà entendu tout à l'heure dans une chanson où elle chante en solo. Il s'agit de Lazara. Elle est accompagnée de Slimane. Alors, ils ont regrappillé une place sur ce podium, les Amants de la Colline. Numéro 2. Que le diable t'emporte, c'est pas l'heure, et qu'il frappe à ta porte. J'ai pas peur que les anges te protègent. Pourquoi faire? T'étais pas si mauvaise. Laisse-toi faire. Moi j'inspire, toi t'expires, et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je t'expire, mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire, et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expires. Les amants de la colline. Tu me tiens, continue. Et je vais, je viens. Je suis nu, on oubliera demain. Ça c'est sûr, si tu s'y pousses la main. La blessure. Moi j'inspire, toi t'expires, et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je t'expire, mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire, et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expire. Les amants de la colline vont descendre, redescendre. Reste petite copine, fumée jusqu'à la cent. Les amants de la colline, perchés sur une étoile. Les amoureux du spleen continuent même dans ma Elle est indétrônable, elle occupe toujours la première place, elle fait une tournée exceptionnelle, elle est passée par la salle Playel, un spectacle extraordinaire, un album fou sorti l'année dernière, venu d'ailleurs, c'est Sheila dans un titre remanié, complètement revu pour danser, uniquement pour danser, ça s'appelle Samedi Soir, numéro 1 de notre classement. Bien remplie, bien fournie de nouveautés, rien que pour vous les faire découvrir peut-être, un classement sympa. Je vous retrouve la semaine prochaine. Le futur classement, ce sera l'année prochaine, puisqu'on sera déjà en janvier 2023. D'ici là, une émission spéciale Noël, une émission spéciale Nouvel An, et 17h jeudi prochain, le coup de projecteur sur un artiste dans une émission coup de cœur, bien sûr. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, soyez prudents, amusez-vous bien, profitez bien de ce début de mois de décembre, c'est peut-être les préparatifs de Noël qui commencent pour vous. Je vous embrasse très fort. Salut !